Bien le bonsoir et bienvenue sur Big Brother in Games. Après de très nombreuses péripéties, nous voici enfin sur le web avec notre toute première émission. Et ouais, je sais, ça fait quelque chose. En tout cas, je sais pas pour vous les mecs, mais moi perso, j'ai un peu comme des frissons qui me viennent d'un endroit en particulier là. C'est un peu bizarre. Bah quoi ? C'est dégueulasse. Non mais c'est les mecs. Oh, arrêtez, ça vous est jamais arrivé d'être tellement au taquet que ça vous en donne limite des palpitations ? Ouais, heureusement qu'on est juste enregistré en audio, il me fait peur ce type, sérieux. Plus sympa, Adrien. Oh là là. Allez, bien entendu, ceci est une web émission et non un one-man show. Il est donc de mon devoir et mon plaisir aussi de vous présenter une partie de l'équipe qui, j'en suis sûr, vont vous faire rire et certainement pleurer aussi. En première ligne, je vous présente une personne dont la voix va vous faire mouiller votre slip. Bienvenue à toi, Clem. Bonjour. Je vous l'avais dit, hein. Ma voix est extrêmement intéressante. Oh oui. Nous continuons ensuite avec notre expert en tryhard. Cette personne est tellement à fond dans son délire que son slogan « Never Surrender » a traversé les océans. Je vous présente Adri. Ouais, d'ailleurs je suis toujours en procès à propos de ce Never Surrender, donc si tu pouvais éviter d'en parler, oups, ça serait mal. Mais sinon, ouais, bonjour à tous, salut. Et pour finir, notre génie informatique, il travaille dans un endroit qui, je ne citerai pas ce que c'est, hein, mais vous savez, vous allez dans un magasin et il y a des personnes un peu bizarres, vous venez acheter un PC et vous ressortez avec une tablette, une montre, un portable, un logiciel, tous ces trucs-là, enfin la panoplie complète quoi. Et il vous fera tout pour se faire pardonner et vous donner du plaisir. Ben, bienvenue. Bien entendu. Et oui, en effet. Spécialiste de la vente et du marketing, bien entendu. C'est ce que j'attends de toi, d'ailleurs. Hein. On verra. Qui me prend pour du poire. On verra ça, les mecs, sur votre chronique plus tard. Et donc, bien entendu, on n'est pas là non plus pour parler de ce qui s'est passé dans notre week-end. On va tout de suite attaquer les hostilités avec Clem. Ouais, bah ce soir je vais vous parler de League of Legends, parce qu'en ce moment c'est quand même les championnats du monde. On a eu les phases de poule qui se sont déroulées à Paris, c'était vachement cool, on a pu y aller avec Adri. Ah, c'est bien marré, il y avait quand même une ambiance assez formidable, et on a vu des beaux matchs, on a vu du beau jeu. Les quarts de finale viennent de se dérouler à Londres, donc maintenant on connaît les 4 équipes qui vont pouvoir se battre en demi-finale, qui auront lieu à Bruxelles le week-end prochain. Pour rappel, il y a eu 16 équipes qui se sont affrontées pendant les poules. Bon, il y a les équipes wildcard qui sont pas sorties des poules, bon ça c'était un peu attendu. Il y a aussi les équipes nord-américaines, c'est normal, hein, c'est deux régions où le niveau de jeu est assez faible, hein, les États-Unis et le wildcard. Oh le salaud. Ça veut dire qu'ils avaient aucune chance. Hein. Ah bah ça bâche, hein. Ah ça bâche comme il faut là. Voilà, tout le monde sait que EU supérieur à ENA. Hein, voilà, ah bah c'est... Oulala. Allez, on sent déjà qu'il y a un petit peu de trash talk qui commence à se mettre en place, j'aime bien. C'était pour le plaisir, c'était juste pour les supporters des TSM, voilà. Il y en a encore ? Je sais pas s'il y en a encore, mais peut-être que c'est en voie de disparition maintenant. En quart de finale, on a quand même pu voir du beau jeu encore une fois, puisqu'on a eu les Origins qui ont mis un petit 3-1 au Flash Wolves. C'est pas une surprise parce que les Origins étaient favoris, mais c'était quand même des matchs assez intenses. Ils nous fait peur un peu quand même. Nous ont fait peur, mais Soaz a réussi à recadrer le truc avec un pentakill pendant la première game. La baguette de Darius qui a fait des beaux dunks. Puis ouais. En plus, un petit backdoor aussi à 5. Hein, ouais, qui fait croire qu'on va faire le dragon, mais non, on va tuer votre Nexus, c'est plus intéressant. Donc voilà, c'est quand même une partie assez formidable. Après, bon, le deuxième quart de finale, c'était SKT T1 contre AHQ. Bon, les Coréens se sont imposés 3-0 sans vraiment de difficulté. Les AHQ ont essayé de survivre, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que survivre dans ces games-là, c'était... assez dur, on va dire. C'était dur, je pense que les SKT T1 étaient favoris, de toute façon c'est les grands, ah bon c'est les favoris pour gagner les Worlds, donc les SKT sont toujours invaincus dans les Worlds, hein. ils sont maintenant à 9-0. C'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà gagné, quoi. Voilà, c'est... Après, non, ils n'ont pas gagné, parce que la finale sera difficile, puisque même la demi-finale sera difficile, et on en parlera après de la demi-finale. Moi, j'ai des gros pronostics pour cette demi-finale. Après, moi, je suis pas d'accord, parce que les SKT, ok, ils ont roulé sur tout le monde, mais en même temps, je veux dire, à part les Edward Gaming, équipe chinoise, qui a un peu de niveau, à part eux, j'ai trouvé qu'ils ont pas, ils ont pas encore eu beaucoup de challenges non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont pas eu encore des grosses difficultés et ça va arriver. Ça, je pense pas, ils ont des grosses mécaniques, ils sont très forts. Marine, c'est juste impressionnant ce qu'il fait à la top lane. Faker, bon bah c'est Faker. On va pas en rajouter plus, numéro 1 mondial. Ok, ils ont été bons, ils ont rien perdu, mais pas encore de gros challenge quoi. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que là, avec les Origins, si jamais ils mettent 3-0 aux Origins, là je dirais ok, respect. Ouais, je pense que ça va pas aller. Déjà, t'es en train de me piquer ma chronique, hein, c'est ce que je voulais dire après. C'est pas grave, je continue quand même sur les quarts de finale. Et on en reparle après des demi. Le quart de finale suivant, c'était le quart de finale le plus beau, je pense. Pour moi, c'était le plus beau. C'était Fnatic contre Edward Gaming. Les Edward Gaming, qui étaient censés être la grosse équipe chinoise, ils sont pris 3-0 par les Fnatic. Et ça, ouais. Avec en plus les deux équipes qui nous ont dit « Fuck la méta, on joue Kennen ADC, Jayce ADC, avec un TP, Jarvan top. Enfin, » la première game, c'était n'importe quoi, hein. On n'avait jamais vu ça. Jayce ADC, je crois que c'est jamais arrivé en game compétitive. Ah, c'était une surprise, hein. J'ai cherché, j'ai pas trouvé Jayce ADC en game compétitive. Ah bah mon avis, il n'avait pas, hein. Enfin, je pense que c'est vraiment nouveau de leur part. Ah, c'était joli. Ah, une équipe avec autant de mobilité globale. On va dire que ces games c'était un peu bienvenue dans LOL retard. Ouais, enfin retard, le niveau c'est pas mal quand même. Non, le niveau était élevé. Plus hein. Génie que retard. Ouais, c'est ça, plus des génies là. Ah ouais. Mais les Fnatic ont très bien défendu tous les objectifs. 3 belles games des Fnatic, même 4 belles games, hein, puisque quand même il y a eu un match remake à cause d'un bug sur Gragas. Qui Gragas n'apparaîtra plus sur la demi-finale et la finale, puisqu'il a été supprimé du tournoi. Oui, avec Lux et Ziggs qui sont aussi possiblement impactés par le même bug. Donc ces 3 champions-là n'apparaîtront pas. Lux et Ziggs, on s'attendait pas à les voir. Oui, on n'attend pas à les voir, mais Gragas, Lux et Ziggs. Ouais. Sont possiblement impactés par ce bug, ils ont été disabled pour la fin du tournoi. Le dernier quart de finale, c'était les deux équipes coréennes, KT Rollster contre Scoot Tiger. Donc, c'était la demi-finale des playoffs coréens, déjà c'était la même affiche. Et ce coup-ci, les Scoot Tiger ont réussi à prendre leur revanche, puisqu'ils se sont imposés 3-1. Et ça, c'est un peu la surprise des quarts de finale, puisque les Scoot Tiger n'avaient pas forcément montré un niveau exceptionnel en poule, puisqu'ils étaient sortis que deuxième de leur poule. Mais ils sont fait porter par un SMEB assez en forme avec sa Fiora, et il a réussi à porter son équipe à la carry complètement. Toute l'équipe a été bonne hein, sur le, mais il a été franchement efficace sur toutes les games. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie surprise hein, quand même, cette équipe de Scoot Tigers là qui passe contre les KT. Franchement, moi je l'ai, avant le match, pour moi je voyais un 3-0 ou un 3-1 KT en fait. Et là, t'arrives, tu regardes la deuxième game, parce que j'ai pas vu la première, je vois déjà 1-0, je me dis, ah ouais, putain, Scoot Tiger sont mal barrés, ils gagnent les 3 derrière, c'est assez impressionnant, je trouve, de leur part. Mm-hmm. Vu ce qu'ils ont fait avant, en tout cas. Un BO, ouais, ils ont super bien géré leur BO, et je pense qu'il y a une grosse erreur de KT Rollster d'avoir laissé Fiora pendant les 4 games à SMEB, alors que même la première game où ils ont gagné les KT, SMEB était très bien sur sa Fiora. Ils ont réussi à gérer l'équipe au global, mais ils ont pas réussi à très bien gérer cette Fiora. Et elle a fait le taf sur le reste des games. Ah, c'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qui en est ressorti des autres games pour l'écart là ? Et bah, maintenant qu'on a Origin et SKT qui vont être en demi-finale, cette grosse demi-finale qui s'annonce, hein, une vraie difficulté pour SKT. Hein. On va voir si les Origin aussi sont capables de. Vraie difficulté pour Origin. Oui, voilà, c'est une grosse difficulté pour Origin, mais c'est pas la première grosse difficulté pour Origin, vu qu'en pool ils avaient quand même des grosses équipes face à eux. Mais aussi, est-ce que ils vont être capables de faire tomber, de faire fléchir même le monstre coréen ? Ça, c'est la grosse question de cette demi-finale. Et pour la deuxième demi-finale, par contre, je penche plus pour un avantage sur les Fnatic face au Scoot Tiger, parce que les Fnatic pour l'instant ils ont montré un niveau de jeu assez élevé sur toute leur game, surtout face au pool, pour moi ils sont transcendants, surtout face au Edward Gaming où il y a très peu d'erreurs, que ce soit dans leur draft ou dans leur jeu, ils sont, c'est impressionnant. Dès que l'adversaire d'en face a du niveau, les Fnatic suivent, mais enfin ils surpassent. Non, ouais. Et ils se surpassent d'abord avant de surpasser l'adversaire. C'est magnifique. Alors pour les personnes qui nous écoutent, il faut quand même rappeler que les EDG, donc les Edward Gaming, sont considérés comme des monstres chinois. Hein. C'est les premiers du classement chinois, si je dis pas de bêtises. Ils sont arrivés 3e seulement, mais ils étaient premiers sur toute la saison. Mais en fin de saison, ils ont un peu fléchi, ils ont un peu eu du mal, ils ont perdu contre LGD. C'est pour ça qu'on attendait énormément LGD. Et maintenant, d'ailleurs, il n'y a plus d'équipe chinoise hein, en demi-finale. Il n'y a plus que 2 équipes coréennes et 2 équipes européennes. Exit la Chine, exit Taïwan. La Chine qu'on attendait, que tout le monde annonçait presque. Il y avait certains analystes qui annonçaient une finale 100% chinoise. Et ben non. Non. En même temps, je suis désolé, mais si quand tu cites des experts, tu parles de Noah de O-Gaming, je suis désolé, mais c'est loin d'être la première fois qu'il se trompe. Hein. C'est sûr, mais lui, il avait annoncé SKT en finale, donc c'est pas lui, c'est certains analystes de la scène mondiale qui avaient pronostiqué des LGD en finale et des EDG aussi. Mais on verra pas. Ah, on verra pas, ça s'arrêtera au quart. Et donc alors, qu'est-ce que toi tu pourrais pressentir dans ce qui va arriver là pour les prochains matchs? Moi j'ai déjà mis mes pronostics, hein. J'ai mis une finale 100% européenne, j'y crois à mort. C'est beau l'espoir. Je pense que l'Europe sera très bien représentée à Berlin, et j'hésite, hein. J'ai mis Fnatic gagnant contre Origin en 3-2, et je pense que, je sais pas si c'est le pronostic du cœur ou le pronostic de la raison là. Par contre, j'ai un petit doute. Hein. Je pense que c'est tout à fait logique. Non, je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose contre les SKT. Par exemple, là, quand tu vois la BO5 qu'ils font contre les Flash Wolves, ils sont pas assez réguliers. Ils sont pas parfaits, je suis d'accord. Ils font des erreurs assez importantes. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qu'on voit quand même d'Origin, c'est qu'ils ont pas mal réussi à retourner des games à certains moments. Alors, on les voit derrière dans la game et puis ils retournent la game comme ça d'un coup. Et ils passent devant, ils arrivent à la gagner. Un peu ce qu'ils ont fait contre LGD en pool, ils ont fait ça aussi sur au moins 2 games. J'ai plus tout le BO en tête, mais sur au moins 2 games contre les Flash Wolves. Ils sont derrière, mais comme ça d'un coup ils repassent devant. Et... Ouais, mais c'est pas sûr qu'ils arrivent à le faire aussi ça contre les SKT. Voilà. Quoi. Ils ont tellement une gestion de la game différente, les SKT, que ça m'étonnerait que ce soit possible. Mais moi je m'attends quand même à un 3-2 personnellement pour cette demi-finale-là. C'est super beau. Bah, franchement, je les pense capables parce que, mine de rien, comme tu disais, ils n'ont pas eu d'adversaire jusqu'à maintenant au SKT, quoi. Donc, je me dis qu'ils vont peut-être se sentir un peu trop confiants. Ils vont tomber contre les premiers vrais adversaires qui ont montré un niveau de jeu, franchement, assez hallucinant. On connaît la propension à Péké, à deux Péké plutôt, à farmer, donc à arriver en game plutôt bon, donc, et à ne pas trop mourir sur sa ligne. Donc, je pense que normalement, il n'y aurait pas trop de soucis contre Faker. Au top, Soaz, par contre, me ferait un peu plus peur, moi, de mon côté. Bah, si Marine, le match-up Soaz contre Marine, c'est clair qu'il va être super intéressant. Mmh. Et. J'espère que Soa sera au top de sa forme, comme il a déjà été dans le passé. Il y a intérêt, hein, parce que c'est pas juste intéressant, c'est vital pour... On les a vu faire avec leur stratégie, ce qu'ils aiment faire, c'est faire snowball Marine. Et une fois que Marine il est chaud, et bah c'est Faker derrière qui commence à s'énerver, et après tu peux pas contenir les deux en même temps. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Et donc là, en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous sortir, Clem? Bah comme j'ai dit, hein, de toute façon, ces 2 demi-finales vont être... ultra intéressante, faut absolument les regarder. Il y aura forcément du beau jeu. Les Fnatic, je pense qu'ils vont gagner contre les Kutiger. Les SKT contre le Origin, ça sera très difficile pour Origin. Mais je pense quand même qu'il faut regarder ce BO et que les Origin, j'espère qu'ils pourront nous surprendre. Eh bien, merci Clem. Nous serons tous devant nos écrans pour soutenir les Fnatic et les Origin, hein, parce que oui, vous êtes européens, donc oui, vous n'aimez pas les Asiatiques. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ça. Pas totalement. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi, sur cette émission, on sera raciste. Hein. Il faut bien de temps en temps. Ah oui, on va parler des Asiatiques, ils nous volent notre midline. Et donc, ouais. Après cette chronique sur League of Legends que nous a proposée Clem, merci à toi d'ailleurs. De rien. Nous allons partir sur un tout petit peu de musique avec Prototype Raptor. Timeless. Et c'était donc Prototype Raptor et leur chanson Timeless. Donc, on va passer maintenant à notre deuxième chronique, hein, à notre deuxième chroniqueur, à cet homme extraordinaire et tryharder qu'est notre mascotte internationale. J'ai envie tout de dire, en même temps. Adri, fais-nous rêver. Ok les gars, donc bon, moi on va arrêter de se la toucher et de regarder les autres jouer, on va s'y mettre un peu plus sérieusement. Donc qu'est-ce que c'est ma chronique? C'est le GIGN, Gamers Independent for Gamers Nerd. Ça a la classe quand même, même si ça ne veut strictement rien dire pour les anglais. Donc mon délire à moi, c'est que je vais essayer de vous choper un petit jeu sympa sur internet. Donc ça sera soit sur Steam ou alors peut-être il y aura du jeu Flash. Je sais pas, je verrai. Mais le délire, c'est que j'essaie toujours de trouver du jeu indépendant. Et donc, aujourd'hui, on va commencer avec un petit jeu de gestion. Les gars, la ligne verte, ça vous parle un peu? Tom Hanks, la petite souris, tout ça? Ah si, maintenant que tu le dis, oui. La petite souris, ça te rappelle quelque chose? Comment que c'était? C'était la petite souris? Monsieur Twinkle? Un truc comme ça? Ouais, c'est ça, je crois. Donc, on va partir dans ce genre d'ambiance avec Prison Architect. Donc, Prison Architect est un jeu de gestion de prison. Un jeu développé par Introversion Software, qui sont une boîte d'indépendants anglais. Alors c'est pas leur premier jeu, parce qu'ils ont déjà développé deux petits jeux indépendants qui ont pas trop mal marché. Le premier est Defcon, qui est un jeu de stratégie thermonucléaire. Ça annonce le style, voilà. Ça c'est un jeu pour toute la famille. Un jeu pour toute la famille, on va se casser la gueule. À jouer avec vos grands-parents. C'est ça, et avec vos amis japonais. Bref. Oh. Un jeu donc apparemment pour survivre, voilà, pour faire survivre son pays en pleine guerre nucléaire. Et le deuxième, Drawinia. J'ai du mal à le prononcer, je suis pas sûr que ce soit dit comme ça. C'est pas grave. On va dire Drawinia. On va dire que tu l'as prononcé en mode yaourt à l'anglaise. C'est un Drawinia qui est un jeu de gestion où il faut faire lutter sa civilisation contre un virus. Un petit peu dans la typique chez Introversion. La Prison Architect où on gère une bande de petits hors-la-loi, tout sympa. C'est un jeu qui était sorti le 6 octobre dernier. Par contre, le jeu est en fait en open alpha depuis 2012. Ça fait un petit moment qu'il l'affûte le jeu, on va dire. Donc oui, en open alpha depuis 2012 avec apparemment beaucoup de mises à jour et sortie officielle il y a donc seulement 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais, quand même. 19, c'était sorti le 6, voilà. Oui, ils ont pris leur temps, un peu. C'est un jeu de gestion, un petit peu façon Theme Hospital ou comment que c'était, Zoo Tycoon. Sauf que là, donc du coup, oui, au lieu de gérer un hôpital ou un zoo, on est parti pour gérer une prison fédérale, un petit peu un truc, ça doit être un truc prison fédérale à l'américaine. Le jeu se passe en vue du dessus. On commence d'abord à gérer la construction de la prison en soi. Donc gérer les bureaux, les prisons pour les prisonniers de niveau 1, qu'on va dire les voleurs. Ensuite, il faudra faire des prisons pour des gangsters un petit peu plus dangereux. Puis les gros criminels, on va dire. Faire une pièce pour la chaise électrique, ce genre de choses. Donc voilà, on part sur un petit délire construction à la Sims. Et ensuite, il faudra gérer les prisonniers. Donc, il va falloir embaucher des psychologues, il va falloir embaucher des gardes, bien sûr. Il va falloir embaucher le personnel administratif pour gérer tout ça. Donc voilà, on est sur un jeu assez complet. Il y a beaucoup de choses. Et de ce fait, du coup, il n'est pas hyper facile. Par contre, ce que j'ai trouvé dessus, c'est que l'interface, elle est juste magique. Le jeu est super dur, il est super complet, mais on comprend tout hyper facilement. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je vais vouloir faire une cuisine, le jeu va me dire « Ok, tu veux faire une cuisine ? Très bien. Il te faut l'arrivée en eau pour la lavabo, il te faut l'électricité pour les fours, il te faut un cuistot, il te faut un frigo. » Enfin voilà, t'es guidé pour pouvoir faire les choses bien. D'accord, donc le système, ce serait un peu un mix entre, comme t'as dit, Theme Hospital et un jeu dans le style SimCity. C'est ça. On est sur un city builder, je pense, moi. Sauf que, voilà, c'est à une échelle un peu plus réduite. Donc, ça, c'était un petit peu pour la partie neutre, pour les faits. Côté graphisme, c'est tout en BD, un petit peu. Donc, c'est très épuré. On va pas chercher dans le gros détail. Mais voilà, c'est sympa. Les couleurs sont, je trouve, chatoyantes. Et donc, du coup, ça donne un petit air bien sympathique. Et on a un petit mode campagne qui est coupé de cutscenes qui sont, je trouve... bien faite aussi, sans partir non plus dans de la vidéo à la Call of Duty, mais un petit truc qui pose une ambiance assez sympa et qui est graphiquement très joli. Donc ça c'est pour le côté graphisme, je trouvais ça plutôt cool. Côté gameplay, comme j'ai dit, on a une interface qui est juste trop bien. On a un petit mode campagne qui va servir en fait de tuto, qui va donner des petits objectifs pour pas à pas apprendre comment gérer le coin prison, comment gérer le coin cuisine, comment gérer la compta, comment gérer les psys. Alors c'est une campagne assez longue qui se fait en, je crois, 5 chapitres. Le premier chapitre doit prendre juste un quart d'heure, mais déjà le deuxième, on arrive sur 45 minutes. Donc voilà, on est sur un tuto assez long, mais comme j'ai dit, le jeu est assez complet, donc bon, il y a beaucoup de choses à appréhender. Et ensuite, on va pouvoir se lancer dans un petit mode bac à sable. Et là, en fait, un concept que j'ai trouvé super cool aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas un revenu d'argent qui va un revenu d'argent qui va arriver toutes les semaines. En fait, on va avoir des contrats à passer avec l'État qui vont nous débloquer des subventions. Donc en fait, ça donne des petits objectifs à faire dans le mode bac à sable pour pouvoir débloquer l'argent. Du coup, moi, j'ai pas mal apprécié ça parce que en fait, ça évite de s'ennuyer dans le mode bac à sable, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce que le bac à sable, bon, tu fais ton truc et puis au bout d'un moment, ça t'emmerde parce que tu sais pas trop quoi faire. Alors qu'en fait, avec ces petits objectifs, bon, tu vas garder du temps de jeu intéressant, quoi. Côté musique, c'est le gros point noir en fait de ce jeu, parce qu'ils ont des super bonnes musiques sur les cutscenes qu'on va avoir pendant le mode campagne. Et quand on est en mode bac à sable, ou même quand on est dans le jeu, y a pas de musique. Ah ouais? Y a pas de musique du tout, non, c'est silence radio. T'as juste les petits bruitages, oh, en fait, les choses qui vont se passer, genre des petits bruits d'alarme, les portes qui vont s'ouvrir, les mecs qui sont en train de construire un bâtiment, tu vois. Mais fuck it, y a pas de musique. Alors ouais, bon, quand tu vois des bonnes musiques qui passent à la guitare pendant les cutscenes, tu vois, qui te mettent dans l'ambiance un petit peu des films de Joe Pesci ou d'Al Pacino, tu vois, et que là t'arrives, t'as rien du tout, bon, bah c'est bien. Enfin moi perso, j'avais lancé YouTube et je m'étais mis une playlist parce que ça rend le truc super ennuyeux, quoi. C'est dommage. Donc voilà, grosso modo, c'est un bon jeu, c'est un putain de jeu. Je pense qu'un fan de jeu de gestion, il va y trouver largement son bonheur, de par la profondeur du gameplay et par la complexité, parce que comme j'ai dit, il y a les bâtiments à gérer, j'ai oublié d'en parler, mais il y a l'eau, l'électricité à gérer aussi, tout le staff est à gérer, les prisonniers dans leur intégralité est à gérer aussi, donc il est vraiment bien guidé, mais il est vraiment pas facile à maîtriser. Du coup, je l'ai trouvé super cool de ce côté-là. À l'heure actuelle, il est à 28€ sur Steam. Moi, je l'ai eu en promo, ça devait être autour de 18,50€, je crois. Mm-hmm. Perso, je suis pas un gros fan de jeux de gestion. Je trouve que ça vaut pas les 28€. D'accord. Ouais. Je trouve que en promo, c'est une super bonne occasion. Je trouve que mettre 30€ dans un jeu comme ça, après, j'ai dit, je suis pas un gros joueur de jeux de gestion. J'aime beaucoup ça, mais je vais pas m'y attarder. Je conseille de le choper en promo. De toute façon, je pense qu'un jeu comme ça, ça retombera vite fait dans les soldes. Ou peut-être avec un peu de chance dans un Bumble Doll. C'est vrai qu'un jeu comme ça, 30€, où il n'y a pas de musique dans le jeu, c'est quand même assez... Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Bon point, par contre, que j'ai oublié d'ajouter, le jeu est en français. Ouais, bien. Le jeu est bien traduit. Ouais, il y a 2-3 petits trucs qui collent pas trop, mais franchement ça gêne pas non plus. C'est clairement de la traduction qui a été faite par les joueurs. D'accord. Qui a été ajoutée via le workshop de Steam. D'accord. Okay. Mais voilà, franchement, pour quelqu'un qui ne parle pas anglais, ça suffit largement pour comprendre les objectifs ou ce que tu veux construire. Et ça gêne vraiment pas le jeu en soi. Donc voilà, Prison Architect, si vous êtes des fans de jeux de gestion, foncez. Si vous n'êtes pas des fans de jeux de gestion, attendez au moins une petite réduc. Voilà, ça sera ma conclusion. Et donc merci Adrien pour cette chronique GIGN. GIGN, voilà. Rappelons-le. Ouais, vas-y. Et donc maintenant, on va s'écouter un petit son qui s'appelle The Fat Rat Unity. We'll be right back. Et c'était donc The Fat Rat Unity. Un bon son, hein, j'ai envie de dire, les mecs, quand même. Ah, j'attends. Ça donne la patate, ça vous donne envie de sortir dans la rue et de faire un peu n'importe quoi, genre prendre quelqu'un, le lancer dans la cage au lion, tu vois, et laisser tout le monde déverser leur colère sur eux. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire avec le prochain chroniqueur, Ben. Fais-nous rêver. Eh ben écoute, merci, donc bonjour à tous. Moi je vais faire une petite chronique, un truc assez sympa, un truc en fait sur l'e-sport. Je vais prendre tout ce qui est les événements, donc alors soit c'est des finales ou des petits trucs marrants qui sont arrivés récemment, donc normalement ce sera dans les deux dernières semaines, des choses comme ça. Sur plusieurs jeux, donc je vais faire très certainement du StarCraft 2, très certainement du Dota 2, Hearthstone peut-être un peu de jeux de combat, SF4 par exemple, et aussi du CSGO, parce que c'est quand même le jeu en termes d'e-sport qui pèse un peu avec LOL, mais vu que Clément s'en occupe de LOL, moi je vais m'occuper d'autre chose. Alors je vais commencer avec Dota 2, donc si je vous dis Ukraine, légende, Dota 2, vous pensez à quoi ? J'ai pas envie de dire de conneries parce que franchement là ce serait un peu crade avec les mots que tu viens de me dire. Moi ça a donné des images assez... j'ai pas le droit d'en parler parce que l'émission deviendrait un plus un 18 plus du quoi. Ouais. Ah, moi ça fait mal d'être arrivé au niveau de Julien mais je crois que j'ai la même chose. Ah, okay, là, okay, vous êtes vraiment une bande d'incultes parce qu'en fait c'est Navi, c'est Natus Vincere, l'équipe de Dota 2 un peu légendaire. Et pour eux, c'est terminé en fait. Ils viennent de se séparer. Donc ça, c'est arrivé la semaine dernière. C'est une bombe qui a surgi un peu nulle part entre guillemets. Pour en dire un peu plus, en fait, Navi, c'est 5 joueurs qui arrivent sur Dota 2 au début 2010 pour poutrer en fait. Ils vont poutrer pendant 3 ans d'affilée. Bon, en même temps, tu me diras Natus Vincere en latin, ça veut dire né pour vaincre. Donc forcément, ils ont le bon nom pour faire ça quoi. Et voilà. On sent que déjà qu'ils ont un petit ego tranquille quoi. Ouais, c'est voilà. Nous, on arrive les mains dans les poches, laissez tous vos pantalons et serrez les fesses, quoi. Oui, en quelque sorte. Et en fait, donc ils ont été au top niveau pendant à peu près 4 ans. Quand ils sont arrivés au début sur Dota 2, donc c'était les Chinois qui géraient tout ça. Bon, les Chinois, ils se sont fait mettre à la porte assez rapidement. Hein, on leur a dit non, non et non. Donc il reste 4 ans en haut. Et là, cette dernière année a été quand même une dernière saison assez bof, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre fin à l'aventure tous ensemble, même si le roster de base avait quand même pas mal changé. Il restait quand même un noyau qui était Dandy, qui est en fait une personne hyper emblématique de la scène Dota 2. Et donc après, tous les joueurs en fait ont commencé à s'éparpiller dans différents teams. Mais alors même que ça vient de se passer la semaine dernière, ils ont déjà commencé à bouger. Faut leur dire merci parce que c'est une putain de team, vraiment. Et pour moi c'est un peu décevant aussi parce que c'est les premières games de Dota 2 que j'ai regardées. J'en ai pas regardé des masses, mais les premières que j'ai regardées c'était avec eux justement, avec les Natus Vincere. Par contre en fait la structure elle reste en temps, parce que c'est quand même une structure qui a du CSGO, qui a du StarCraft 2 si je dis pas de bêtises, qui a une team LOL depuis pas longtemps mais bon, qui performe absolument pas, et ils viennent de lancer justement une équipe Hearthstone avec un roster composé de 6 XO, il a un nom lui, il est imprononçable, c'est XIXO, c'est horrible, Otskaka et Wedge, Donc il y a un joueur de la team Archon qui est assez connu pour Hearthstone, un joueur de la team Root, donc nord-américaine pareil, qui est assez connu. Et Welsh par contre était sans sponsor jusqu'à maintenant. C'est Oka Cup qui a gagné la Seed Story, qui a fait la deuxième place pardon, la Seed Story Cup numéro 2. Donc c'est quand même de bons joueurs quoi, ça reste quelque chose d'assez solide. Par contre, si je peux te demander, en fait, ils font des teams d'Hearthstone, mais what the fuck, ça joue tout seul. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris des joueurs sur leur aile, en fait. Avant ça, ils n'avaient pas d'accord. De joueurs d'Hearthstone. Ok. Ouais, pardon, je me suis mal. En fait, chaque joueur continue à évoluer indépendamment des autres joueurs. Absolument, ouais. D'accord. C'est comme les teams de StarCraft 2. Non, Exactement. Ouais, mais disons StarCraft 2, tu peux faire du 2-2, du 3v3. Je pense qu'il y a des tournois à ce niveau-là. Mais Hearthstone, il n'y a pas de 2v2. Ouais, je vais en venir justement juste après au team de StarCraft, t'inquiète pas, je vais en parler de tout ça. Mais oui, non, c'est vrai que je m'étais mal exprimé, c'est des joueurs sous contrat en fait pour eux. D'accord. Pour être plus exact. Ensuite, on va continuer un peu avec du Dota, parce qu'il y a eu la finale de la MLG 2015, donc c'était la finale de la MLG 2015 qui s'est déroulée la 2 semaines, si je dis pas de bêtises, et qui a vu s'imposer la nouvelle équipe, l'équipe Team Secret, ou plus, enfin en fait, c'est pas vraiment une nouvelle équipe, c'est plus un nouveau roster. Parce qu'ils ont eu énormément de changements là en août de cette année, avec l'arrivée de 4 nouveaux joueurs autour en fait d'une légende qui est Popeye, qui était anciennement justement chez Natus Vincere à ses débuts, où c'est pareil quelqu'un ultra connu dans le milieu de Dota. Et ils se sont imposés donc 3-1 contre la superstructure américaine et Evil Geniuses, qui partent avec juste 100 000 $ en poche. Ah ouais, bon, pas mal ça. Un tournoi de Dota 2 classique. Ouais, une broutille. Une broutille. Alors, attends 2 secondes, j'ai une petite question, hein, parce que si ça se trouve, les personnes qui nous écoutent ne sont pas tout à fait au courant de certains raccourcis ou de mots que tu viens de nous balancer à la tronche comme ça, genre ce que tu peux nous dire, hein, parce que tu nous as parlé de SF tout à l'heure. Alors je vous rassure, hein, c'est pas science-fiction, mais Street Fighter. Hein. Voilà, tout à fait. Juste comme ça. Et quand tu parles de roster, c'est les équipes en fait, les changements d'équipe qu'il peut y avoir ou des choses comme ça. Exactement, merci Julien de préciser tout ça. C'est vrai que je m'emballe assez rapidement. Julien, notre lumière à tous. Appelez-moi Absolument. Dieu à partir de maintenant. Non, non je voulais t'appeler dictionnaire, mais non. Dieu, c'est ouais, pas donc, possible. Le roster en fait, c'est la composition d'équipe. Ouais, je fais des anglicismes comme ça, c'est parce que voilà, moi, je suis plus en France. Bon, je parle anglais couramment, donc je suis obligé de faire des petits raccourcis. Mais tu sais que ta vie nous intéresse pas forcément, là tu parlais de jeux vidéo. Ça nous intéresse, les jeux vidéo, ta vie. Et ben voilà. Justement, une grosse nouvelle, enfin une grosse nouvelle, oui, mais une mauvaise nouvelle aussi. Avec un scandale de plus dans l'e-sport, et oui, malheureusement ça arrive. Et cette fois-ci c'est StarCraft 2, et c'est les Coréens qui foncent dans le mur avec une, bah, franchement une sale affaire en fait de matchs truqués. Donc bon, c'est très moche, malheureusement ça arrive, et ça arrive un peu trop souvent à mon goût dans l'e-sport. Donc c'est quand même 9 personnes arrêtées, et 3 suspects supplémentaires, dont un qui à mon avis va être arrêté sous peu, au vu des dires des différents témoins. Et cette fois-ci c'est vraiment les têtes qui tombent en fait. Parce que on a le très connu Gerard, qui est le coach, donc le manager de l'équipe Prime, qui est une énorme structure en Corée pour StarCraft 2, donc SC2. Ainsi que 2 énormes joueurs, Yoda, donc pareil, un monstre, une légende même, enfin plus un monstre qu'une légende, dans la scène StarCraft, ainsi que Bibi Bong. Donc en fait, ces 3 personnes auraient reçu par match entre 5 000 et 20 000 $. Pour faire exprès de perdre ? Pour faire exprès de perdre. Ah ! Donc voilà. Donc ils ont quand même récupéré un peu d'argent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, donc ça c'est pas mal, c'est que le bookmaker qui est à l'origine en fait de la tricherie et qui est vraiment, c'est lui qui a demandé en fait à la base à Gerard, donc au coach, qui a ensuite lui demandé à ces 2 joueurs, a aussi fait au bout d'un moment du chantage à Yoda, donc un des joueurs, quand celui-ci en fait ne voulait plus truquer ses matchs, en le menaçant tout simplement de tout dévoiler au public. Donc au moins, bon, ce que je peux dire, c'est que maintenant ça va être un peu plus compliqué, parce que tout est déjà dévoilé, donc au moins, c'est clair. Bon, ça, c'est fait. Il faut savoir aussi que c'est la première fois en fait qu'on a vraiment un coach qui est directement impliqué et arrêté dans une affaire de genre sur FC2 en Corée en tout cas. C'est génial, ça veut dire que c'est le premier coach ripon dans StarCraft 2, mec. Non, en fait, c'est le premier qui se fait vraiment inculper. C'est un peu différent. C'est malheureusement, c'est pas si génial que ça. Non, mais ça met un gros coup dur quand même à l'e-sport parce que c'est quand même un peu en développement. Et le seul pays qu'on prend comme référence à chaque fois, c'est la Corée. Et là, la Corée, elle s'est pris, elle vient de se prendre un aller-retour, en fait, tout simplement à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est moche pour ça. C'est un coup dur à l'e-sport sur StarCraft aussi, qui est un peu en perte de vitesse depuis... Absolument, ouais. Ouais, aussi. Moi, alors, par contre, tu dis ça, mais en même temps, bon, pour quelque chose d'un peu plus joyeux, on va dire, un peu plus sympa, parce que les matchs continuent, hein, même s'il y a ça, il y a des matchs qui continuent. Donc, il y a eu la finale de la Pro League qui a été jouée il y a peu, donc c'est il y a 3 semaines. 3 semaines et demie, oui. Ça fait quand même un petit peu de temps. Donc c'est la Pro League, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition en Corée, où il y a deux équipes de StarCraft 2 qui s'affrontent. Là, c'était SKT T1 contre Jin Air. Bon, SKT, c'est un roster de malade, hein. C'est un truc... Encore. Ah ouais, encore, ouais. Ouais, encore. Chier, cette structure. Et là, ils ont, juste comme ça, pour ceux qui connaissent, il y a Innovation, Dream et Classic, qui sont trois des meilleurs, qui ont gagné beaucoup. Certains tournois majeurs en Corée, donc ça reste des pointures. Alors ensuite, petite note, bon, parce qu'il faut bien déconner un peu quand même de temps en temps, on n'est pas là pour du sérieux. Donc sur Street Fighter 4, en France, le joueur Valmaster a gagné la KQ Tops League 3. Et on peut donc dire que le joueur de la team YouPorn a mis une branlée à tout le monde. Voilà, bon, ça c'est fait. Maintenant, je l'ai placé, je suis content. Et justement, on va commencer à se développer un petit peu cette structure quand même, YouPorn, parce que j'avais commencé à entendre parler d'eux comme qu'ils cherchaient à faire un team de LOL. Maintenant, je sais qu'ils ont une team Dota, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors moi justement, je voulais garder ça pour peut-être une autre fois, parce qu'il y a beaucoup à dire en fait, justement, sur tout ce qui est sponsoring. D'accord. Et notamment sur cette team qui est. Bon, normalement, d'ailleurs, on dit pas la team YouPorn, mais on dit team YP. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire le reste? C'est un peu dommage. Ouais, mais bon, voilà. On parle de cul, tu me promets ça? Oui, on peut faire ça, ouais. Il y a pas de souci. Ça marche. Et ben, on va parler. Voilà. Et là, maintenant, on va parler de Vive la France, là. Parce que mine de rien, on est champion du monde du CS:GO depuis le 11 octobre. Et CS:GO, c'est? C'est Counter Strike Global Offensive. Merci. Bon, alors ici, faut dire que par rapport à ça, on a un roster hyper sale parce qu'on a Happy, NBK, Apex, Shox et Smiths. Donc c'est 5 joueurs. Bon, Happy, NBK et Apex sont quasiment 3 joueurs super connus. C'est du très très très haut niveau. C'est dans l'une des 4 meilleures teams mondiales, en fait. Donc on pèse dans le game, on va dire. Rien que ça, quoi. C'est ouais. Que du français. Ouais, c'est des teams françaises, en fait. C'est français contre, c'était français contre polonais la finale. On a d'ailleurs perdu que 2 matchs dans le tournoi, et les 2 matchs c'était contre les polonais. Une fois en phase de poule et une fois en finale. C'est assez étrange, mais voilà. D'accord. Donc Cocorico, effectivement. Ouais, Cocorico, moi je dis voilà. Et puis toujours. Pour finir, la dernière news, c'est toujours par rapport à CS:GO, donc toujours par rapport à Counter Strike et par rapport à la folie russe. Car il faut savoir que l'homme le plus riche de Russie, qui a un nom à coucher dehors que je vais essayer de prononcer, qui s'appelle Alisher Ousmanov, je pense que ça passe. Ouais. Je m'attendais à un truc beaucoup plus épique quand même. Ouais. Ouais, mais c'est parce que je suis bon, c'est pour ça. Alisher Ousmanov. Voilà, là c'est épique. Ouais. Et cette petite personne qui pèse au niveau richesse a investi dans l'équipe russe Virtus Pro à hauteur de 100 millions de dollars. J'ai bien dit 100 millions de dollars dans l'e-sport. Oui, c'est pas grand chose. En fait, bon, c'est avant tout pour populariser l'e-sport. Donc, ce qu'il veut faire, c'est créer, à partir de cette structure, un certain nombre d'autres structures pour motiver les jeunes, en fait, à jouer, récupérer un maximum de joueurs et tout ça. Et il veut aussi créer des chaînes de télévisées spécialisées pour l'e-sport. Donc, au final, c'est quand même, voilà, une super bonne nouvelle pour l'e-sport en général. Ouais. Et ben voilà. Bah, moi, sur ma petite conclusion, je dis vive la France. Et vive la Russie. Bon, je dois avouer que je ne suis pas tout à fait satisfait. Parce que moi, je m'attendais à avoir un pantalon un petit peu mouillé, là, quand même. Je t'avais fait une super pub, je t'avais fait tout ce qu'il fallait bien. Il a parlé du board et il nous a teasé pour la prochaine émission, c'est déjà cool, non? Bah ouais, mais là, il a fait que du teasing, tu vois, du coup, moi, bah... Mais c'est parce que faut mieux y aller petit à petit. Bah ouais, mais regarde, et qu'est-ce que j'en fais de ma mimole maintenant, moi? Eh bah, tu te la mets derrière l'oreille, comme d'habitude. Merde. Sur ce, je crois qu'il nous faudra une chronique spéciale Team YP. Ça, c'est ouais, je pense qu'il y a moyen de se faire. Chronique YouPorn. Ouais, mais voilà. Vous savez, pour le moment, vu les personnes qui nous écoutent, je pense qu'on peut le dire, hein, YouPorn c'est la vie, et ça viendra très vite chez vous dans vos jeux vidéo. Un jour, vous aurez tous des t-shirts YP en force. Et ce jour-là, je pense qu'on pourra dire qu'on sera pas loin du paradis, les mecs. Hein. Quand on pourra sortir dehors dans la rue et... Ah bah oui, non mais quand t'es capable de sortir dehors dans la rue et regarder quelqu'un lui faire « Ouais, je supporte YouPorn, et alors ?» Et bah alors là, on sera dans un monde magnifique. Et sur ces bonnes paroles et cette superbe chronique de Ben, on va partir sur un petit peu de musique avec Rob Gasser, Wildfire. Et donc c'était Rob Gasser avec sa chanson Wildfire. Donc bon, bien sûr, je suis l'animateur de cette superbe émission qui est Big Brother in Games. Et maintenant, ça va être à mon tour de faire ma petite chronique, d'avoir mon moment de gloire et de peut-être vous motiver à être un petit peu plus intéressé sur ces magnifiques dessins animés que sont les animés japonais. Bienvenue dans la cave asiatique. Oula, oula, alors le nom là, non, non. Après avoir parlé du YouPorn, on passe sur le hentai. Wouhou, j'adore cette émission. Ah là là, moquez-vous, mais juste après, vous serez sur votre PC en train de regarder l'anime dont je vais vous parler. Ah donc bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, forcément, un anime, c'est un dessin animé, mais fait par des japonais. Donc en gros, entre les dessins animés de chez nous et les animés japonais, il peut y avoir à peu près 2-3 galaxies d'écart. Là, c'est... Nous on reste sur les trucs tout mignons, et puis eux ils sont partis, ça fait déjà des années qu'ils ont colonisé des tonnes et des tonnes d'autres mondes, qu'eux ils ont carrément vu... La Vierge. Bah, en fait, ils prennent tous de la drogue, hein. C'est à peu près ça, je pense, hein. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres choses. Enfin, quand on prend des animés comme celui dont je vais vous parler, qui est One Punch Man, et bah là, on se dit que les Japonais sont quand même vraiment badass, quoi. Alors, bon, je la tue, hein. Ça, c'est sûr. Alors, laissez-moi vous donner le pitch de départ. On se trouve dans un univers où les monstres font partie de la vie de tous les jours. C'est donc un environnement. Pokémon. Ah, j'ai entendu la bonne réponse. Je crois hostile. Que... Hostile. Voilà. Hostile. Ouais, bien essayé, Ben, mais je sais que c'est Clem qui l'a dit. Mais bon, après, il faut prendre aussi en considération que si les monstres, démons et autres conneries japonaises sont présentes, il existe également leur opposé, leur antipode. Je vous parle bien évidemment de héros. Et c'est ainsi que l'on va se retrouver à suivre les aventures d'un héros dont le nom est Saitama, une personne qui en est presque rendue au suicide, car il n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Et donc voilà, quand on parle de place dans la société niveau Japon, ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver de boulot. Et quand tu trouves pas de boulot au Japon, eh ben tu te suicides. Ouais. Normal quoi, les Japonais sont comme ça. Ah mon dieu, ma vie est nulle. Harakiri. Plutôt extrême, oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est un peu raccourci. Mais non, c'est tout à fait vrai. Donc je sens que vous êtes un peu perdu dans le pitch, hein, mais vous inquiétez pas, on va très vite arriver dans la partie intéressante. Effectivement, ce qui donne de l'intérêt à cet animé, sorti très récemment, hein, c'est sorti il y a 3 semaines, est le fait que notre héros qui s'appelle... Saitama. Ah voilà, il y en a un qui suit. Non mais je l'avais presque. Et donc Saitama est devenu un héros très spécial. En effet, après avoir survécu à un entraînement de sa propre confection, il a obtenu une force surpuissante, ce qui lui permet de battre tous ses ennemis d'un seul coup de poing. Ah, c'est donc à ce moment-là, si vous êtes un peu bon en anglais et pas trop con au niveau logique, vous allez comprendre le titre de l'anime One Punch Man. L'homme au coup de poing, quoi. À un coup de poing au singulier. Au coup de poing au singulier, exactement. On a qu'à dire ça comme ça. D'accord, c'est pratique ça. Les combats durent pas très longtemps comme ça. Détrompe-toi. Mais bon, voilà. Je n'en dirai pas plus. Bon, maintenant je vous ai parlé du pitch de départ, je ne vais pas prendre ce malin plaisir que certaines personnes ont à spoiler, même si je dois avouer que l'idée est plutôt alléchante. On va passer un peu sur les statistiques. Absolument pas, je ne sais pas faire des maths, donc je vais faire autre chose à la place. Pourquoi des statistiques ? Quelqu'un qui parle ! Les statistiques japonaises ! Les statistiques japonaises ! Ça n'existe pas. D'accord. Ou alors c'est truqué. Ah ouais, bien. Ouais, je sais. T'as vu, de temps en temps, je dis des choses, c'est presque intéressant. Et donc, on va parler maintenant des producteurs de la série. Enfin, on va parler un petit peu plus de la série en détail, mais sans parler du pitch. Donc, les producteurs de la série, ce sont les personnes qui gèrent Madhouse. Et donc, ouais, ça vous dit peut-être rien. Et si jamais vous vous intéressez un peu à l'univers japonais, vous arriverez peut-être à vous souvenir du film Summer Wars, qui a été un film magnifique, ainsi que les séries Black Lagoon et Claymore, qui sont toujours aujourd'hui des séries de très très bonne qualité, avec un scénario aux petits oignons à la japonaise, quoi, comme on l'aime bien, avec une tentacule de poulpe qui de temps en temps vous met des petites baffes comme ça en train de vous dire mais qu'est-ce que tu regardes. Et donc bon, voilà, hein, je vais m'arrêter là. Ensuite, on va juste parler quand même de la personne qui dessine ce manga, parce que oui, effectivement, One Punch Man, avant d'être un animé, c'est aussi un manga qui est sorti en 2012 et qui continue toujours aujourd'hui. Hein. Il faut savoir que c'est pas fini. Et donc le mangaka, c'est-à-dire la personne qui dessine le manga, n'est autre que Murata Yusuke. Alors là, je sais que ça vous dit rien du tout, que vous êtes complètement paumé ou en train c'est de... Qui de quoi ? C'est qui ? Eh bien, je te remercie de poser la question, parce que cette personne qui est ce mangaka, Murata Yusuke, n'est autre que un des créateurs de, et ouais, je vous le donne en plein dans le mille, Ice Shield 21. Ah ouais ? Ah d'accord. Et oui, et le c'est voilà, tu vois, alors là je suis content parce que quelqu'un connaît Aishin 21. Ah oui, ouais, moi j'adorais ce manga en fait. Aishin 21 est quand même considéré comme étant un des mangas cultes en termes de sport. Ah ouais. Donc voilà. Cool. Après c'est aussi le seul qui parle de football américain, mais ça c'est une autre histoire. Je peux donc maintenant vous assurer que cet animé est non seulement très bien réalisé, mais aussi absolument épique au possible. Vous vous trouverez transporté dans un monde apocalyptique où votre seul intérêt sera de suivre le personnage principal, agir comme Monsieur Tout-le-Monde et combattre des monstres de plus en plus puissants et ainsi découvrir le potentiel de Saitama. Enfin bon, voilà, je vais arrêter de vous pomper l'air avec ça, et ainsi vous permettre de vous précipiter sur Internet pour trouver cet animé que je qualifierais juste d'épique. Ouais, je okay. Dis ça aussi, moi. Tu et dis ça aussi, toi ? Ouais. Du coup, je voulais demander... Donc, du coup, il est en animé et en bouquin aussi ? Ouais, les deux versions sont possibles. L'animé est sorti sur les dernières mi-saisons... japonaise, hein, parce qu'en fait, voilà, on sent les animés à chaque fois sur les sites, ils sortent les nouveaux animés en septembre, en janvier et en juin, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Donc voilà. C'est un shonen ? C'est un seinen. Qui veut dire ? Et tu me fais je m'explique vite fait. Un shonen, c'est un manga plus ciblé pour, on va dire, des personnes entre 16 et 22 ans. C'est un peu... Pour des garçons entre 16 et 22 ans. C'est ça. Ouais, en fait, quand même, il faut dire que shonen, ça veut dire jeune garçon, jeune adolescent, en fait. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, c'est entre 15 et 20 ans, c'est des shonen. Et pour les personnes un peu plus vieilles, comme One Punch Man, qui s'adresse à un public plus vieux, c'est un seinen. Et donc, ça reste okay. Toujours... pour les garçons, mais un petit peu plus permissif. C'est-à-dire d'accord. qu'on va certainement avoir des scènes de nudité, bon, pas totalement, hein, bien sûr, mais ça se permet beaucoup plus de choses que dans les shonen. Un public plus adulte, des sujets plus graves, hein, oui. Exactement. Chose plus mature. Ok. Et voilà, c'était tout pour ma chronique, la cave asiatique. C'est donc la fin de notre fabuleuse première émission de Big, je le rappelle, Brother in Games, parce que oui, ici, on fait de la propagande. Ah bon ? Écoute notre radio. Écoute notre radio. Tu adores notre radio. Rejoins-nous. T'es en train d'écouter ou quoi ? Rejoins-nous. Bien, on est bien. Ah, là, ça fait peur. C'était fait exprès. Et donc, on vous retrouvera certainement bientôt si ça vous intéresse, hein, et si vous en voulez toujours plus, bande de petits coquinous, sur nos réseaux sociaux. Hein, donc, cherchez Big Brother in Games sur Facebook. Et d'ici peu de temps, vous pourrez vous intéresser un petit peu plus sérieusement à chacun d'entre nous. Et voilà. Si toi aussi tu aimes regarder la... Ce type. Oui. Et si toi aussi tu aimes regarder les matchs de l'équipe YP, viens te manifester. Tu seras pas tout seul. I'm out. Allez. Allez, sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir. Et faites-vous plaisir en jouant aux jeux vidéo.